Tous les jours me charme, et des femmes à qui donnerai mon âme. Avec elles j'accumule les années-vies, avec elles j'accumule le halal. Oui, on fait du vivre, c'est pas le vivre qui nous fait. Mais pour jamais je me méfie, m'en frappe un poison dans le verre. Maman, je me perds dans cette vie. Les halles de la tête à me guide. Moi j'ai fait dans les lessives, mais j'ai fait du bien aussi. La vie d'elle m'assassine, et la richesse me fascine. Oui, l'idée c'est pas facile. Tu jacques sur ma vie, vis la tienne si tu veux mon avis. Ils sont pleins de haine et ils parlent de paix. L'hypocrisie est leur meilleur ami. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Ennemis veulent ma faute, aussi veulent ma perte. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Tout comme dans l'histoire, tiens ma vie en quête. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Ennemis veulent ma faute, aussi veulent ma perte. Comme tous mes frères dans la jungle. Jamais, c'est sûr, on finira tous dans un cercueil. D'ici là, je veux m'en sortir.